Une feuille dans l'ouragan de Ouida. Chapitre 1er. Le berceau de Dieu était un petit village de la vallée de la Seine. Quelques paysans avaient confié leurs fermes et leurs chaumières aux grands bois qui longent la rivière sinueuse, comme l'alouette cache son nid dans l'herbe. Le bourg se composait d'une seule rue rapide, abritée par les ormes et les peupliers, de vieux toits moussus autour desquels voltigeait tout le jour une nuée de pigeons, d'une petite église au clocher de briques et de granges tapissées de plantes grimpantes ou rongées de lichens jaunissants au soleil. Tout autour s'étendaient les herbages qui engraissaient le bétail de Normandie et des forêts où la jeunesse allait chaque dimanche d'été cueillir les anémones, les campanules sauvages et la fleur fraîche de l'églantier. Le berceau de Dieu datait de loin. On prétend qu'il était déjà debout au temps de la Pucelle, et une croix de pierre du XIIe siècle se dressait encore près de l'étang au bas de la rue, sous un châtaignier où, la besogne faite, les villageois se réunissaient le soir. Il n'y avait pas de ville dans le voisinage, la plus proche était à 4 lieues. Les habitants, de braves gens laborieux et paisibles, récoltaient plus d'orge, plus d'avoine, plus de fruits qu'il n'était nécessaire pour leurs modestes besoins. Les rumeurs de la guerre, le fracas des révolutions, les querelles militaires et politiques étaient au berceau choses inconnues. Ces vents orageux pouvaient souffler sur les pays environnants, jamais ils n'atteignirent le nid privilégié que protégeait son isolement. Quelques hommes, il est vrai, étaient partis au champ de la Marseillaise pour combattre dans les plaines de la Champagne, quelques patriotes en bonnet rouge étaient venus distribuer à la population des cocardes tricolores avec ordre de les porter au nom de la République une et indivisible. Nul n'avait compris, et la moisson s'était faite comme de coutume sans que l'écho du canon la troublât. Aussi la terreur de ces jours sinistres ne s'était point imprimée dans le souvenir des générations. Reine Alix, la plus âgée du village, se rappelait bien avoir entendu son père, quand elle était enfant, parler tout bas, avec les voisins, d'un roi condamné par le peuple. Elle se rappelait aussi parce que ce soir-là avait été celui de ses fiançailles, et le 16e anniversaire de sa vie, avoir vu un cavalier traverser au galop la rue en émoi avec des cris de « Victoire, Marengo, Marengo !» Au bourg, on avait senti vaguement que quelque chose de merveilleux se passait au loin pour la France. Les frères, les cousins, le fiancé de Reine Alix, et elle avec eux, avaient gravi la côte pour y empiler une pyramide de branches de sapin, de paille, de mousse sèche et allumer un feu de joie. « Nous ne l'aurions pas fait, » ajouta-t-elle, lorsqu'il lui arrivait de raconter ces choses aux enfants, « si nous avions su que le petit Claude, le dernier né de ma tante, un volontaire de 19 ans, avait été tué dans cette victoire-là. » Reine Alix était la plus heureuse créature de tout le berceau. « Je suis vieille, » disait-elle souvent, « très vieille. Mais quand on a un toit pour s'abriter, la soupe tous les jours, et un petit-fils comme le mien, quand on a vécu toute sa vie au berceau, c'est bon d'être vieille. On a le temps de penser et de remercier Dieu, mieux que dans la jeunesse, qui est l'âge du travail. » Reine Alix était une grande femme robuste, flétrie cependant et courbée, mais encore belle. Quoiqu'une longue suite d'années pesât sur sa tête, la flamme de ses yeux noirs était restée ardente et douce. Elle marchait d'un pas ferme encore dans ses sabots, appuyée sur un bâton, la tête encadrée d'un haut bonnet blanc et portant aux oreilles les grandes boucles d'argent qui avaient été à la fois pour elle un héritage et un cadeau de noces. Le monde au-delà de son village n'était rien pour elle, à peine croyait-elle à son existence. Elle ne savait ni lire ni écrire, elle avait toujours dit la vérité, pieusement élevé ses enfants et loué le Seigneur. Aussi, dans sa vieillesse, avait-elle trouvé la paix. L'un de ses fils, ayant cherché fortune au dehors, lui avait laissé quelques sous, et devenue maîtresse d'une maisonnette, d'un champ et d'un verger, elle passait pour riche. Bernadou vivait auprès de son aïeul, l'entourant de respect et travaillant dur. Pas plus qu'elle, il n'était savant. Mais il avait foi dans le prêtre qu'il avait baptisé, dans le foyer dont il ne s'était jamais éloigné un seul jour. En qualité d'unique soutien de veuve, il avait échappé à la conscription. Quand on l'avait sommé de voter, il avait demandé, non sans méfiance, à quoi cela l'engageait. À vivre en bon fils, en honnête homme et en bon français, lui avait-on répondu. Et le sourire était revenu sur le franc visage de Bernadou, qui, se redressant de sa haute taille vigoureuse, s'était dirigé d'un pas joyeux vers l'urne du vote. Vous voyez que, sous certains rapports, reine Alix, quoiqu'elle eût l'esprit avisé, n'avait pas su l'éclairer. « Occupe-toi, lui disait-elle, de ta maison et de ta besogne. Ne sois jamais de ceux qui veulent apprendre bon Dieu à diriger le monde, tandis que leur foin pourrit et que leurs enfants crient sur une écuelle vide. » On aurait bien trouvé le soir, dans le cabaret du village, une demi-douzaine de mécontents qui dissertaient du communisme à leur manière, vociférant contre le mauvais temps et le prix du blé devant un verre plein, et qui le soir remontaient la rue bras dessous en chantant des refrains patriotiques. Mais Bernadou n'était jamais en leur compagnie. Il avait cet instinct conservateur qui met le paysan français en opposition flagrante avec l'ouvrier, généralement socialiste. Il aimait la terre qu'il labourait, et cet amour avait des racines aussi profondes que celles des vieux chênes qui s'y enfoncent. De Paris, il avait une crainte vague comme celle que pourrait inspirer je ne sais quelle bête féroce, sans cesse occupée à tout dévorer. Peu lui importait le gouvernement, pourvu que le soleil fît mûrir sa récolte. Cette sagesse ignorante était le résultat des leçons de la nature et de celles de reine Alix. Quelques-uns raillaient son excessive docilité. Il n'était point sot pourtant et plaisait aux jeunes filles. Quant à lui, une seule lui plut. Un jour de printemps, il dit à reine Alix, en lui souhaitant sa fête, le petit bouquet d'usage à la main. « Grand-mère, que diriez-vous si je pensais à me marier ?» Cette question fut posée timidement. La vieille garda le silence une minute ou deux, puis, ayant placé le bouquet avec soin dans un petit pot de terre brune, « Qui est-ce, mon enfant ?» demanda-t-elle avec une fermeté qui ne se montrait pas moins dans sa voix que dans ses yeux noirs. Le regard de Bernadou rencontra franchement le sien. « Margot Dax, » répondit le jeune homme. « Cela vous convient-il, grand-mère ?»« Oui, » dit-elle. Mais les coins de sa bouche frémissaient un peu, et sa tête blanche se pencha sur son bouquet de fête pour cacher quelques larmes. Elle l'avait prévu, elle en était bien aise, et néanmoins, pour l'instant, c'était une souffrance. « Merci !» s'écria Bernadou, transporté de joie. Il avait 25 ans, il était indépendant, car n'eût-il pas fait d'économie, il pouvait vivre et faire vivre une femme par son travail quotidien. Mais l'idée ne lui serait pas plus venue de désobéir à sa grand-mère que de lever la main sur elle. « J'irai voir Margot ce soir, » reprit reine Alix. « C'est une brave fille d'une réputation sans tache. Tu as bien choisi. » Ce soir-là, au coucher du soleil, reine Alix tint parole, et elle alla trouver la jeune fille qui avait pris le cœur de son gars. Margot, orpheline, élevée par charité, était servante de ferme. Une belle fille, ayant de la modestie et des vertus simples, estimée de reine Alix, qui avait depuis longtemps les yeux sur elle. « Sans doute, » pensait la grand-mère en gravissant la rue escarpée que ses sabots avaient foulée si souvent, « bien des familles se plaindraient de ce qu'elle n'a ni meuble, ni linge, ni dot, enfin. Bon, nous en avons assez pour trois. » Les parents ont tort de ne pas amasser de quoi vivre à leurs enfants, mais ce n'est pas la faute de l'enfant, après tout. Qu'on dise donc ce qu'on voudra. Si elle est pauvre, j'y vois une raison de plus qu'on lui donne une demeure et un mari. » En réfléchissant ainsi, elle atteignit la ferme et trouva Margot occupée à quelques soins du ménage. Selon l'habitude du pays, elle s'était préparée à parler d'abord au maître de la jeune fille, mais l'accueil craintif de cette dernière lui inspira le bienveillant désir de rassurer d'abord la pauvre enfant. « Ma petite Margot, » dit-elle en souriant, « je sais un grand secret depuis ce matin. Devine lequel ?» Margot rougit, puis devint pâle. Bernadou ne lui avait pas encore parlé, mais quand on a 17 ans et qu'on a dansé souvent avec le même garçon, effeuillé peut-être en cachette quelques marguerites, les aveux parlés ne sont point nécessaires. En l'observant, les yeux de la vieille femme devinrent humides. Elle souriait encore, mais avec plus de tendresse que de gaieté. « Tu l'aimes ? » demanda-t-elle à demi-voix. Ah, Mère Alix! Margot n'en put dire davantage, elle se couvrit le visage de ses mains et fondit en larmes. Eh bien, rends-le heureux seulement, murmura la grand-mère en attirant l'orpheline dans ses bras, car je suis bien vieille et il serait seul. Reine Alix parla dans les formes au fermier et à sa femme qui ne trouvèrent aucun prétexte pour refuser. Puis, serrant sa pelisse autour d'elle, elle redescendit dans le crépuscule jusqu'à sa chaumière. « J'ai bien fait, » se disait-elle, tandis que s'éteignaient sous ses yeux les dernières teintes dorées du couchant. « Encore une année ou deux et je serai dans ma tombe. J'y dormirai plus tranquille, sachant que ses enfants continuent de vivre au berceau. Ils penseront peut-être à moi quand les soirées seront longues et qu'ils causeront autour du feu. » Dans la petite chambre basse, elle trouva Bernadou pensif, appuyant ses deux mains sur ses larges épaules. « Que la bénédiction de Dieu soit avec toi, mon gars, et avec les enfants de tes enfants, » dit-elle d'une voix solennelle. « Margot sera ta femme. »